veulent nous voir en bas des tours. Spliff dans la boue, l'esprit dans la haine. Histoire t'adoucir la douce tour. À bout de souffle à l'heure de minuit, c'est tous coups. Tous coulés dans la dureté de la life. Vie en marche, l'état nous canard. Salement, voudrait nous voir finir mal comme un rapsa dans la barre. Nous arnaque depuis un bail, j'observe en attendant le jour du fight, négro. C'est la hyène au mal. Rien à foutre de ta poudre, rien à foutre. Remballe tes paillettes et tes putains de discours. Range ta baguette, ta magie n'opère plus. Y'a plus de forfait ni de fer, plaid dans ma rue. C'est taille. Condoléances pour nos rêves stériles jusqu'aux idées. L'état sniff et reptique, moi je baisse des lignes blanches. TSU, TONE, contrôle la résistance. 400 yens résident, né pour résister, c'est pas. Je sais que dans ma vie, je ferai pas de miracle. Car depuis le départ, je traîne des boulets dans le virage. Le crime fait rage et personne s'inquiète. J'ai fait mon pactage car j'ai perdu le goût du partage. Un trouble fait dans le système. Indigènes, ils m'ont dicté leur putain de loi. Alors j'ai accroché un foulard sur leur croix. Tu vois, ils ont fait de nous des hyènes pour être les rois. Okay. Un 8 tellement balèze, tu crois que c'est un 16. Avec un stick tellement balèze, tu crois que c'est de la 16. Moi, mes genoux n'ont jamais touché le sol. Drogue et alcool ont combatturé mes yeux. Pas mon cerveau, j'attends rien de personne comme toi. Je télécharge, pas de forfait, que des recharges. J'attends rien de moi car je fais ce que je veux. Donc ferme ta gueule même quand je fume ta beuh. Dealer aux criminels, artificiels. Faux voleurs, gangsters forever, braqueurs de vieilles. Dealer que MCT est là et qu'on a la dalle. Pour ton shit consume ton sol, fais fond ta dalle. MCT, on a la dope, rien de flotte. Si on marche avec des brûleurs de la taille de Nati. Tu veux nous test, vas-y. J'lâche à mes bastos, respecte MCT. Quand je dis je, j'ai pas le boule peu pour nous. Dis-moi ce qu'ils attendent de nous, tous ces fous de Babylone. Ils savent bien qu'ici y'a pas de gamou. Non monsieur, y'a pas de gamin qui fait l'amour. On va pas se laisser faire ou se mettre à genoux. On a tous trop souffert, on veut du brand new. Alors on bombe le torse et on s'aligne pour l'aligner. C'est industrie, le concept et c'est signé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Où je pique? Qu'est-ce que t'attends de moi? Natik, tu me reconnais pas? Sahih, Ibn Arabika, où est toujours chez toi? Si tu savais pas, chez toi c'est chez moi. Ici c'est tout là, personne restera. Où tu finiras, pas moi qui te le dira. On ira tous au paradis, j'y crois pas ici. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on suit tous entre nous, qu'on soit tous détenus dans vos geôles à genoux. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on soit des stars chez Père Noël, que Père Noël t'apporte nos cadavres dans son traîneau. Qu'est-ce t'attends de nous? Ici on souffre, la dalle pousse certains frères à prendre le cœur d'un frère pour de la boue. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on s'enterre sous ces packs de bière, qu'on se défende avec des tas de pierres. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on oublie qu'on t'a quitté depuis que le territoire de la Côte d'Ivoire t'a quitté. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on oublie ceux qui crèvent sous les ponts alors qu'on peut nourrir un village en jouant au ballon. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on te parle que de prison pour que nos petits frères y entrent pour y trouver de l'inspiration. Qu'est-ce t'attends de nous? Qu'on fasse des camps. Moi je dépense du cœur car toutes les richesses ne se trouvent pas dans des banques. Jeune black d'avant pour le bac, il voulait que je craque. Voyez plus à vendre du crack dans les blocs que dans les bacs. Ma vie m'a dit je t'aime mais reste dans la merde. J'ai répondu nique ta mère, je veux m'en sortir et je t'emmerde. Alors j'ai insisté malgré que la police s'appliquait. La justice m'a baisé mal mais j'ai résisté. Je reste un résistant du peuple d'en bas. Ma réponse face à l'état est un gros droit car il m'aura pas. Des états instables, délinquants ou esclaves. Esclaves, c'est ça ce qu'ils veulent faire de nous. Coincés dans ce trou, ce qu'ils veulent c'est qu'on en reste là. Comme dit la Latino, l'avenir est macabre, son chaka ou Mike, mon nom c'est Nati. Ils veulent une tactique pour qu'on gagne petit à petit. Pour que l'État nous condamne dans l'actu. Ce qu'ils veulent c'est garder la thune. Ils veulent la guerre, préviens tes gars. Ok, regarde ce qu'ils veulent, c'est nous format. S'accrocher nos vies, nous faire douter du respect des blocs. Nous blesser par la suite sans qu'on aille au top. Salir nos esprits, nous faire tomber nos soldats, wake up. Allez go go, ce qu'ils veulent c'est qu'on fasse dans nos frocs. À la vue de leur brigade, la bague d'un fameux Robocop. Viens chez moi, 9-4-6 sur ta pas la côte. Warrior dans la mes frères sont fatigués des colbocs. Allez go go. On vient pour faire les comptes, on vient prendre nos dus. Grid P, nouvelle bombe, sortie de la rue. On vient faire des dollar bills ou des zéros. Vise le bise de la coca gléro. De la marijuana, des blocs de Nissoubois 93 jusqu'à Tijuana. Bags de stérol qui fuck les stars, qui soient homo ou hétéro. On braque, on attaque, comme on ira. Négro patiné en grise et tu fléchis. J'démarre au quart de tour comme Joe Pesci. J'te croise au carrefour et là tu me steppies comme les kippies. J'te présente le grill, j'te présente ma fille. Négro j'te laisse croquer un peu de mon style. J'suis entraîné comme les Yamakas, si forgé dans le maquis. Indiscipliné comme les Bagdad. J'vais te le dire encore une fois, ce que tu attends de moi tu l'auras pas. Ce que tu tenteras contre les gens, tu le rateras. Ce que la vie m'a offert, tu verras, tu me le rendras. Car la porte que tu nous as fermée, nous on l'ouvrira. J'te garantis que j'resterai vivant jusqu'au firmament. Jusqu'à que tu baves, jusqu'à que tu crèves. rêves, surtout en ce moment. Ne me dis pas raciste, ne me dis pas opportuniste, car j'ai plus de haine envers un flic noir qu'un flic blanc. Tu voulais quoi que je te dise, que le crime est glorifiant, que les gosses de quartier sont tous délinquants. Que je te dise qu'Oussène a vécu en trafiquant. Non, fuck ta tendance, moi je prône pas la violence. Ils aiment quand le rap est synonyme de crime, de trafic. Mais sache que très peu sont vrais dans ce qu'ils revendiquent. Mais t'attends pas à ce que je tombe dans leur jeu bidon. Sache que MC n'est pas cousin de mauvais garçon. Acte 2, rien n'a changé, nous bassinent avec leurs histoires de politique mère, république mère. On a toujours le genou à terre, malgré la vérité planquée sous nos terres. Percer le corps de ces guignols me fait bander, ramasser le pactole, c'est ce qu'on veut tous. Ils passent la pommade pour la mettre douce. Couche ton fusil à pompe sur son cou et pousse la gâchette d'art pour les mettre sur la touche. 93 criblages, des pieds de biche dans les rouages. Visionne le mal en âge, c'est le fan sur le visage. Encéphale blindage, me fond dans le paysage. Tu veux quoi de plus? Ça suffit pas ce que l'on vit. Vire vers la vraie voie, la foi sert à s'élever. Avide de rêves, avale les rafales de rage rouge. Et le sang, invisible et le piège, je me noie. Si dans la haine tu me plonges. Ce qu'ils attendent de nous n'a plus de valeur, aujourd'hui c'est mort. Je n'ai plus rien à leur prouver, je cherche plus l'or chez les porcs. Je cherche plus à m'insérer, de façon ils veulent tous te foutre dehors. Dès lors que tu n'as pas le même profil, pas le même mentor. Barricade ma vie de barreau invisible parce que je n'adore pas ce qu'ils adorent. Pourtant on est tous voués au même sort, tous noués dans un même corps. Solidaire et solide, on prend nos parts à bras le corps. S'ils pensent qu'ils me tueront, qu'ils sachent que je suis déjà mort. Ils diront que j'étais dangereux pour leur nation, pour leur conspiration. Pour l'heure je retiens ma respiration, nos racines que nous fuyons, c'est le nez de Pharaon. Le calcul qu'ils font n'est pas le bon, fonce dans la foule sans klaxon. Ce qu'ils attendent de nous, c'est sous-entendu, bien entendu. Donc on entretient le flou, entretient le flow. À qui profite le crime, à ceux que je perturbe avec mes rimes. Trop de blessés pour attendre que j'y servienne. Constate là l'horreur, les vrais savent à Visso, on la grâce au gun. Je te le dis, j'ai même trop de péché pour une tombe. Ainsi, frère, pour m'enterrer, faut carrément un cimetière. Souvent j'ai les crocs, couramment je parle le langage des armées. Désormais, je m'engage à rester pur, c'est-à-dire toujours agir avec mes burnes. Ce que t'attends nous en Indé, chicaner, viens pas jouer les gangsters, menacés pire que le cancer. Jette les képis ou pis sous le cimetière près de chez nous. Près de chez moi, y'a que des putes et des transformés en loups. Y'a des négros qui désemmerdent, y'a des balles, y'a des putes et le système judiciaire. J'suis comme une balle perdue dans le cul d'un ministre. Ça fait mal, ça pue et ça laisse un tas de sinistres. J'ai pas besoin de 40 minutes pour niquer le beat. J'ai la rime, vaseline, mon stylo, c'est ma bite. Mais tu veux quoi? Tu viens quand? Original délinquant, t'as perdu mec si je suis pas dans ton camp. T'attends quoi de moi? De la tuerie, je te la donne. Alibi, représentant de la rue comme personne. Mon as, mon crew, mon numéro d'écrou. La vie, c'est la jungle, on s'est transformé en loup. Toi, y'en a personne, ni au prof, ni au keuf, ni au proc, ni au diable en personne. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de l'homme du ghetto, du shit des guns? Moi, mon du, je vis du rap et du chum. L'état à somme dure, nous veut à poil comme madame. Faut même croire qu'à Dean Records, on vante la cam. C'est pas la branche musicale d'Al-Qaïda. La boussole, c'est du rap, le crachat des Kaira. Ce qu'on t'attend de nous, c'est notre décès. On est lassé, que tu nous bloques l'accès. T'en placé dans des blocs, on est là. C'est pour sol clic pour faire clamser, viens pas compresser. La hyène défend bien ce qu'elle bouffe, bande de chiens. Votre plaide sans grève pendant que le nôtre crève de faim. On sort les rires et on tire, on est tous des charognes d'une record du gros calibre. Ça défouraille pour un rien. Attends-toi à ce que le pire soit dit à chaque ligne. Ma ville arrache, Marie et le big s'anime alors qu'ils veulent qu'on se calme. Ici on brise la vie, j'crois qu'ils s'attendaient pas à ça. Ni que ma clique s'éveille sur un cyclone instrumental. 30 MC sur la liste, mais pas un pour te suivre ni pour te faire la vie. Seulement si c'est le jour de la haine. J'avance au bordélique parce qu'ils attendent depuis longtemps. Et qu'à 105 rentre sur un disque, ça craint.